dans ses fils, les rubris d'un éclat fragile, un sapin, des guirlandes, une étoile. Le vent chante doux, il dévoile. Noël, Noël, la magie dans l'air, les cœurs ouverts, un instant sincère. Noël, Noël, les lumières s'embrasent, un monde de rêve, un temps qui s'apaise. Les enfants courent, rire en cascade, chocolat chaud, douce escapade, des vœux murmurés au coin du feu, un espoir secret, un ciel si bleu. Les cloches sonnent, ding ding dong, un refrain ancien, un vieux chant, dans l'ombre des miracles se font. Les âmes danse au diapason. Noël, Noël, la magie dans l'air, les cœurs ouverts, un instant sincère. Noël, Noël, les lumières s'embrasent, un monde de rêve, un temps qui s'apaise. La nuit, un doux écho murmure, ébloui, Noël.